frappa le sol d'un coup de talon. Ses yeux devinrent rouges en crevé. C'était une jeune fille, sans bravoure et sans merci. Réveillée, sans peur, sans reproche, elle osait s'en approcher. Elle sentait souvent ses odeurs nauséabondes qui nous purifient l'air. Une fois l'an 2000 passé, quand le diable lui disait viens ici, ma bien-aimée, elle accourait tout de suite, prête à dévorer la suie. Elle répétait souvent qu'elle était à la merci. Un peuple sanglant, effroyable, mais tant pis. C'était une jeune fille, sans bravoure et sans merci. Elle hurlait son nom par-dessus tous les taudis. Elle disait aussi qu'elle prenait que dans son lit. Que rien.